Mardi 20 janvier 2015, bienvenue à l'aérospatiale pour cette première émission. Ça fait déjà 5 semaines qu'on s'est quitté et voilà, nous sommes de retour pour entamer cette nouvelle saison avec nos collaborateurs habituels. Aujourd'hui à l'émission, on discute avec François Raymond qui nous parlera de son exposition Beach qui est présentée au lieu. Dans une journée aussi froide, c'est toujours rafraîchissant. En tout cas, chaleureux de parler un peu de plage. Jean-Tiane Lafrance viendra nous parler de l'exposition 185 heures de Renaud Philippe qui est présentée au Cercle jusqu'au 23 février. Également, on discute, c'est une tradition annuelle, on discute avec Viviane Paradis, directrice artistique du Mois Multi qui en est à sa 16e édition. Également, Raymond Poirier viendra nous faire le tour de la revue de presse de ce qui se passe en art visuel. Et puis, le tout sera ponctué des sélections audio de Simon Roy. Bonsoir, Simon. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien. Aujourd'hui, tu as choisi quelque chose, je trouve que c'est assez éloquent, North Noise. Ben oui, c'est tout d'abord le nom du duo qui m'a intéressé, donc Bruit du Nord. Ça nous vient de la Russie. J'ai malheureusement pas plus d'informations à propos du groupe. Je sais que c'est un duo. Musique, donc on va dire tout de suite, l'album s'intitule comme le nom du duo, c'est North Noise. Puis c'est ça, c'est un mélange assez agréable, musique électronique, il y a du piano, field recording, donc il y a toutes sortes de sources sonores assez différentes. Ça crée une ambiance vraiment spéciale. Par bout, ça peut être un petit peu plus déprimant ou un peu plus mystérieux. Mais c'est une belle découverte que j'ai faite sur l'étiquette Pickpack. C'est une étiquette qui vient de la Russie. Ils se spécialisent souvent dans la musique électronique, mais sont assez éclectiques. Donc, absolument, comme j'aime, une belle étiquette à découvrir. Voilà. Ben, Simon Roy, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, en attendant de t'écouter à Web Musique les dimanches à 19h, on écoute tout de suite un extrait de North Noise. On écoute la pièce Whale's Bones. On est de retour à l'aérospatiale. J'accueille Raymond Poirier. Bonsoir. Bonsoir. Raymond, en plus d'un mois, il s'en est certainement passé des choses. Est-ce que tu as fait un tri de ce mois ou tu as plutôt choisi les nouvelles les plus fraîches? Mais j'essaie d'aller chercher dans des éléments un peu de fraîcheur, mais évidemment, il y a des éléments de fraîcheur qui nous ramènent aussi ou nous renvoient à des périodes un peu plus lointaines, notamment première nouvelle, dans la mesure où si on prend... quelques quotidiens récents, eh ben on retrouvera notamment le trio BGL qui est à l'honneur. Alors, journée BGL qui a été organisée du côté de l'Hôtel de Ville de Québec hier. Question de scénariser, si on peut dire, ou de présenter une rencontre entre le trio et la vice-présidente du comité exécutif, Julie Lemieux. L'idée étant de rappeler aux gens, également le maire Labeaume qui était présent aussi, là, évidemment. Donc, pour rappeler aux gens que le trio a été sélectionné pour représenter le Canada, la 56e Biennale de Venise qui a lieu en 2015, évidemment, donc du 9 mai au 22 novembre prochain du côté du pavillon du Canada. Alors, ben voilà, donc une occasion qui a été saisie par la ville pour souligner aux citoyens et citoyennes de Québec que ce trio a une renommée internationale, un rayonnement international, évidemment. Alors, toujours sympathique, ce genre d'initiative-là, évidemment. Effectivement. Sinon, peut-être un peu plus près de l'actualité récente, il y a une nouvelle galerie qui va venir peut-être transformer, sait-on jamais, le marché de l'art actuel à Québec dès la fin mars 2015, sous l'égide de trois hommes d'affaires et collectionneurs, des artistes incontournables comme BGL, Graeme Patterson, Yannick Pouliot, Dan Bro et Sayed Safaraz vont exposer à Québec. Donc c'est Norbert Langlois, Pascal Champoux et Abdelilah Chiguer, trois collectionneurs aguerris qui carburent à l'art actuel, qui ont décidé de se lancer et de développer donc la carrière d'artistes qui sont leur coup de cœur commun. Alors, ils vont fonder une galerie qui s'appellera la Galerie 3. C'est une bonne nouvelle. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je trouve, depuis le départ de Zara, là, je sais qu'on n'est pas du tout dans le même type de galerie, mais depuis le départ de Zara, il me semble qu'il manquait quelque chose. Donc là, ça va venir remplir un vide. Et eux disent, ben regardez, tu sais, BGL, qui représente le Canada, on vient de le dire, Vienna, le Venise, ah, ben, oui. Le fait que ça soit associé à la galerie, ça a servi de coup de pouce, de locomotive, si on peut dire, pour permettre au projet aussi de se mettre en branle. Donc d'avoir des artistes de cette ampleur-là comme base d'artistes pour la collection et pour la vente. Eh bien, ça devient un moteur intéressant, évidemment. Oui, bien, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Sinon, plus triste nouvelle, en fait, c'est la Galerie Graff de Montréal qui a annoncé le décès de Jocelyn Jean, un des premiers artistes à joindre en 81 à la galerie. Un artiste qui a présenté une douzaine d'expositions solo, qui a enseigné de 88 à 2011 à l'École des arts visuels et médiatiques de l'Université du Québec à Montréal. On le décrit du côté de la Galerie Graff, et je cite, comme un héritier des seconds plasticiens intéressés par l'architecture, le formalisme, l'espace et la géométrie. Toutes ses recherches et sa production qui ont été élaborées en ce sens. Sinon, dans un tout autre registre, peut-être un peu plus léger, tiens, il y a littéralement un groupe d'œuvres du groupe des Sept qui a été déterré. Tout récemment déterré. En fait, c'est dans le cadre d'un don quand même assez important, évidemment, là, qui a été fait à la Vancouver Art Gallery. Donc c'est dans le fond un propriétaire qui avait Monsieur McDonald qui avait trouvé, dans le fond, ces peintures-là, des peintures, des sketchs, pas nécessairement toujours des peintures finalisées. Mm-hmm. Je voyais pas vraiment l'intérêt de la chose, mais en même temps, se disait, bon, j'ai pas envie de les jeter. Donc, ce qu'il avait fait, c'est qu'ils avaient enveloppé dans du papier cellophane avec du papier parchemin également. Ils avaient mis dans des boîtes et ils avaient enterré dans son terrain. En fait, enterré, littéralement. Et ben dans le fond, éventuellement, ils ont été déterrés et ils ont été vendus de manière privée. Et 40 ans plus tard, donc il y a un don public qui a été fait de ces œuvres-là, des peintures authentiques, 10 sketchs, 8 études pour des peintures importantes de McDonald's notamment. Une anecdote assez sympathique qui est mise de l'avant par le magazine Canadian Heart. Sympathique, mais je dirais aussi assez insolite. Oui, aussi. Et petit clin d'œil, c'est Hill Stratégie qui a rendu public enfin les résultats de son étude sur les artistes et les travailleurs culturels dans les municipalités du Canada. Si les gens veulent voir l'intégrale des conclusions du rapport, eh bien, ils peuvent se rendre sur le site de l'aérospatiale. On va mettre le lien dans les prochaines minutes, là, l'aérospatiale.wordpress.com. Mais essentiellement, on l'a aussi diffusé sur Facebook aujourd'hui. Donc, vous avez juste à chercher l'aérospatiale puis aimer notre page. Comme ça, vous serez au courant d'à peu près tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Facebook.com/l'aérospatiale, tout simplement. Et d'ailleurs, en fait, les deux principales conclusions, c'est qu'il y a plus d'artistes que les artistes sont mieux rémunérés. Plus la ville est grosse, plus la ville dans laquelle ils travaillent est grosse, est imposante. Il y a plus d'artistes aussi à Montréal, à Vancouver, à St. John's, à Terre-Neuve et à Saanich en Colombie-Britannique qu'ailleurs au Canada. À Montréal, on parle d'une concentration d'artistes de presque 1,5% de manière générale. Et on remarque qu'il y a plus de femmes artistes qui sont dans des petites municipalités. entre autres éléments. Évidemment, le détail étant disponible sur le web. Oui, parce que quand même, l'article, je vois 1 sur 28. Oui, ben en fait, disons que c'est... Le nombre de pages. Non, je pense que c'est assez massif et assez détaillé. Là. Mais il y a des tableaux quand même, là, tu sais, si vous voulez quelque chose de plus synthétisé. Ah ben voilà. Ben Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et toi, t'es vendredi à la barre de la vie en BD? Exactement. On va faire, dans les petits rapports aussi, un état des lieux de la bande dessinée au Québec en 2014. Ah, oh, voilà. Donc c'est vendredi à 17h30. On fait une pause audio, on écoute un extrait de North Noise. Au retour, on discute avec Viviane Paradis. Là, vous êtes toujours sur les ondes de CKRL, vous écoutez l'aérospatiale. C'est rendu une tradition annuelle. C'est la quatrième année qu'on discute avec elle, la directrice artistique du Mois Multi, Viviane Paradis. Bonjour. Bonjour, Julie. À chaque année, c'est toujours à peu près au même moment, environ une semaine. Non, pas une semaine. On est quoi, deux, trois semaines avant? Deux semaines. Bon, oui. Mon Dieu, je sais pas à quelle date je suis rendue dans ma tête, là, mais bon, on est là dans les derniers milles de préparation du Mois Multi. C'est la 16e édition. Oui. Quand même, oui, ça commence ça a fait son petit bonhomme de chemin, là, si on peut dire. Là. Oui, ça a commencé assez petit, puis là, ça a pris beaucoup d'ampleur. Le Mois Multi avec les années, ce qui est très chouette, là, avec toutes les collaborations et tout, le nombre d'artistes qui sont présents. Ah oui, puis les d'ailleurs. Lieux aussi, là, il y en a au Lantis, au Musée national des beaux-arts du Québec. Est-ce que c'est une première? C'est pas une première. Non, il y a déjà eu des spectacles. Il y a déjà eu des spectacles ou des performances qui sont présentées là. On présente une installation, cette fois-ci en collaboration. Oui. OK. Bon, on en reparlera plus longuement. Moi, j'ai envie dire, Viviane, là, c'est ton quatrième au multi. J'imagine l'expérience a commencé à rentrer. Tu as commencé à être rodée un peu. Oui, oui, bien sûr. Toujours autant de plaisir à le faire. Là, ça, c'est tu travailles toujours... à l'année sur la programmation? Pas à temps plein, mais oui, oui, je travaille à l'année. Il y a tellement de choses qui se passent. J'essaie de me promener un petit peu aussi. Je vais dans des festivals ici au Québec ou à l'étranger pour voir un peu ce qui se passe ailleurs, pour amener un peu de pépites, si je peux dire, ici, mais des découvertes et tout. Alors, si on peut pas dire, ben je travaille juste de tel mois, là, mais c'est dépendant de ce qui se passe et tout. Mais moi, je me pose une question. Je pense que je sais pas si c'est la première fois que je me la pose, mais à tout le moins, la première fois que je me la pose pendant que t'es avec moi. Bon, là, il y a plus de 100 artistes au moins multi cette année. T'sais, comment on fait pour choisir? C'est vraiment une grande ampleur. Là. Tu dis tu voyages un peu pour voir ce qui se fait un peu partout, mais des fois, j'imagine, tu vas être confronté à des choix déchirants. Oui, oui, tout à fait. Il y a des choix déchirants. Il y a des... si on parle la question des impossibilités, là, parce qu'il y a, des choix, il y a des coups de cœur qu'on a, il y a des choses qu'on fait qui s'organisent, parce qu'on quand on programme aussi en fonction de qu'est-ce qu'il va y avoir à côté aussi. Hein. C'est pas... On programme pas individuellement chacun des projets, mais pour établir un peu une sorte de relation, même si, comme je dis toujours, que je travaille pas nécessairement de façon thématique, mais pour établir un peu une relation entre les œuvres, que ce soit performance ou installation. Mais aussi en fonction de représenter un peu cette diversité des arts multi-électroniques. Hein. On est vraiment dans toutes sortes. On n'est pas harnaché à une pratique artistique comme telle. On est dans une hybridité, dans une diversité. Alors, l'idée, c'est de vouloir montrer un peu cette multitude, si je peux dire. Là. Ça, puis bien sûr, il y a des choix. Bien, il y a des œuvres qui ne sont pas disponibles. Alors, c'est reporté d'une. Hein. Des fois, ça coûte trop cher. Alors, des œuvres qui sont trop grosses. Trop grosses, trop petites, trop ci, trop ça. Il y a plein de contraintes aussi. Il y a des contraintes spatiales, des contraintes économiques, des contraintes logistiques. Alors, c'est sûr qu'il faut aussi jongler avec ça. On travaille avec des partenaires de programmation aussi. Alors, il y a aussi... c'est une collaboration artistique. Alors, il y a les contraintes du partenaire aussi, que c'est contraintes de lieu, de programmation. Mais bon, on présente la même chose à la bande vidéo qu'à vue ou à l'œil de poisson. Alors, c'est tout ça, là, c'est tout un... J'appelle ça souvent une position un peu d'équilibriste, de jongleuse, là, comment est-ce que j'ai... Une file de trouveriste. Je sais pas si c'est le terme. Un petit peu ça. C'est la corde raide, mais c'est assez stimulant aussi de trouver des façons là, pour... en fait, c'est de composer en casse-tête. Hein, c'est de rassembler toutes les pièces et trouver leur place. Puis bon, cette année, encore une fois, je suis assez contente. Là. En fait, je suis très contente de comment j'ai réussi finalement à proposer ce beau casse-tête-là qui est mon multi. Tantôt, tu disais, on ne choisit pas les artistes individuellement. On choisit pour voir qu'est-ce qu'il y a à côté, pour faire quelque chose de cohérent. Je trouvais ça intéressant parce que cette année, tu ne travailles pas à partir d'une thématique, mais quand même, ce qui est ressorti dans le communiqué... du mois multi, c'est la question de l'autre. Ouais, cette année c'est un peu c'est ça, c'est les projets qui surgissaient aussi dans l'actualité de l'art, les problématiques et tout, puis ça me questionnait aussi cette place de l'individu de l'autre, ce regard à soi, ce regard à l'autre, l'autre, ce miroir de soi, si on peut dire, ou encore j'aime bien citer Lévinas dans ce contexte-là, soi-même comme un autre. Alors dans les œuvres multi puis électroniques, on retrouve un peu toutes ces différences positionnement là. Que ça soit aussi à travers là, un peu de parler de nos relations avec autrui, de notre relation, nous, comme êtres humains, dans notre espace, dans notre environnement, tout notre positionnement aussi dans les médias sociaux. Il y a des œuvres qui vont nous parler de ça. Liquid Love qui présente Talking Head, questionne la surenchère des réseaux sociaux. Toute la question de l'ego portrait, le selfie, comme on dit en anglais, il s'amuse beaucoup avec ça. Alors, c'est pourtant d'abord une performance chorégraphique de danse, mais qui mélange les arts électroniques avec l'utilisation en temps réel de la vidéo et de cette utilisation du selfie à travers la performance. C'est une performance avec beaucoup d'humour, Talking Heads, qui va faire l'ouverture du festival. C'est quand, l'ouverture? C'est le 4 février. Le 4 février, voilà. Donc, d'ailleurs, je vais le dire tout de suite, là, plutôt que de le dire directement à la fin, comme ça, vous pouvez aller sur Internet, aller sur le site lepointdevente.com, question de réserver des billets, là, parce qu'on sait qu'habituellement, les billets pour le mois multi, là, ça part, il me semble, assez rapidement. Ça part assez rapidement. C'est déjà arrivé que tu me dises, ouf, là, je suis pas sûre qu'il y a encore des places, là. Puis je pense que c'était même pas commencé encore. Il y a des années que ça arrive comme ça. On n'a pas, nos salles sont pas non plus énormes, mais aussi, tant mieux, hein. C'est l'année dernière, on a fait, les salles étaient complètes pour pratiquement toutes les performances. C'est très chouette de voir qu'il y a une réponse du public comme ça. Il y a des gens qui nous attendent d'année en année. Ben oui, parce que j'ai déjà entendu des gens dire c'est hermétique, mais moi, je suis un peu surprise parce que les expériences qui nous sont proposées, à mon avis, en tout cas, sont assez habituellement assez inclusive, donc c'est fun d'avoir l'accueil aussi qui est Bien, il faut dire, quand je parlais aussi de... Quand je parlais comment je programmais, j'aime aussi beaucoup toujours réfléchir à cette rencontre-là entre l'œuvre et le spectateur. Hein. C'est important pour moi. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup dans le monde multi des œuvres aussi, des fois pour un spectateur à la fois, pour quelques spectateurs ou des expériences interactives, etc. Alors, c'est vraiment de provoquer cette rencontre-là. C'est, oui, il y a des spectacles qu'on peut dire à l'italienne, c'est-à-dire qu'on est assis sur une chaise, on les regarde. Mais il y a toutes sortes de formes aussi qui sont proposées pour changer notre position de spectateur aussi, pour vraiment provoquer cette rencontre-là. Puis d'avoir une relation aussi là, avec l'œuvre qu'on expérimente, que ce soit par le biais d'un spectacle ou d'une installation. Tout à fait. D'ailleurs, parlant d'installation, je ne sais pas si on le met dans l'installation, je ne sais pas, je l'ai mis là, mais Artie. Oui, Artie, c'est le robot du collectif Fin Larmoiement. Oui, c'est enfin, Artie, hein? Vraiment en installation. Je pense que d'ailleurs, c'est une première à Québec. Artie, on l'a vu beaucoup en performance, en train d'interagir avec des artistes, avec des écrivains ou autres à travers depuis une couple d'années. Mais donc, Artie en mode installation qui viendra nous dire que nous ne serons jamais un artiste génial. Voilà, ça sera présenté dans la Halle de Méduse. Alors voilà, artiste en herbe, là, ou qui doutait de votre vocation, s'il vous plaît, n'allez pas voir Artie, vous allez ressortir peut-être avec un bon sens de l'humour ou encore légèrement démoli. C'est pas le seul robot, d'ailleurs, il y a le The Blind Robot aussi. Oui, qui dans va les prendre installations. Contact avec nous. Oui, The Blind Robot, c'est une installation de l'artiste Louis-Philippe Demers, c'est un Canadien spécialisé en robotique. Il a travaillé avec énormément d'artistes d'ici et d'ailleurs pour développer des interfaces robotiques, mais là, c'est une œuvre à lui. Louis-Philippe habite à Singapour depuis de nombreuses années. Alors, The Blind Robot, c'est un robot, c'est que vous allez venir vous faire toucher par un robot, en fait. C'est une relation donc assez intime qui s'établit, qui est un peu inhabituelle, hein, de se faire toucher par un robot. C'est pas un contact à un robot, surtout que le robot, The Blind Robot, il est assez brut, le bras qui nous approche, c'est pas quelque chose de magnifié, mais de par la relation assez intime qui nous touche un peu comme un aveugle pour définir notre visage, notre épaule et tout, pour nous découper un peu, pour nous identifier. C'est très doux, c'est très presque tendre, c'est assez particulier. Moi, ça m'amenait toujours à la question, est-ce qu'un robot peut faire preuve d'empathie? Ouais. Alors oui, il y a quelque part, même si sa forme ne l'induit pas, mais il y a un peu une anthropomorphisation. quel mot difficile parfois à dire! Alors, c'est une œuvre très intéressante pour ça, pour questionner un peu notre rapport avec la mécanique, avec le robotique aussi, alors. Oui, parce qu'on en est là aussi, là. Tout à fait. Tu sais, je sais pas, je repense à quand j'étais plus jeune, la science-fiction, tout ça, les robots, c'était tellement lointain, mais là, ça commence à prendre de plus en plus de place. Oui, ça s'approche de nous, puis... Les artistes sont souvent les premiers aussi à nous proposer ces relations particulières avec la robotique, avec l'électronique, avec le numérique. Hein. Faut pas, comme ils vont détourner beaucoup, ils vont soit créer des structures ou des éléments ou une programmation, soit détourner des choses qui existent déjà. Ouais. Ça, du détournement, il y en a encore beaucoup au Montmultis cette année. Ben oui, tel que, par exemple. Ah, ben, je pense à Samuel Saint-Aubin qui va te présenter au studio d'Avatar. Samuel, ses installations, c'est des petites sculptures cinétiques. L'expo s'appelle « De choses et d'autres ». Samuel utilise vraiment des objets très terre-à-terre de notre quotidien, des cuillères, des œufs, les élastiques qui servent à retenir ensemble les brocolis. Ah ouais. Et puis, il en fait donc des petites sculptures robotisées. Les sculptures, oui, effectivement, qui ne servent à rien, mais on s'en fiche un peu. C'est comme ça décontextualise complètement cet objet très proche de nous, de notre quotidien, comme la cuillère, dans un contexte assez humoristique. Alors, je pense que c'est peut-être son installation cinétique la plus connue. C'est deux cuillères avec un œuf. L'œuf va vadrouiller d'une cuillère à l'autre. Ça bouge, c'est tout. Mais c'est tellement fin, tellement d'humour. On regarde, on est un peu hypnotisé par ces tout petits objets. Mais vraiment, tu vois, tu utilises aussi des vieilles poches de thé et tout. Alors, c'est un corpus d'œuvres. Il y a quelques-unes de ces sculptures qui ont déjà été présentées ailleurs, mais il va y avoir des nouvelles sculptures qui vont être présentées aussi, puisqu'il fait une résidence à Avatar juste avant l'exposition au Montmultis. Voilà. Viviane, le temps file. On aurait beaucoup... Ben, de toute façon, si on veut la programmation montmultis.org, là, je pense que c'est là que ça risque d'être le plus complet. Il y a d'ailleurs là un catalogue, une programmation assez étoffée qui est sûrement disponible en PDF sur le site. Je suis certaine que si on va à Méduse aussi, on peut en avoir une version papier. Mais en terminant, un ou deux spectacles là, qui te font trépigner d'impatience sur ta chaise. Ah, écoutez, c'est dur, c'est toujours, c'est dur, toujours hein? difficile. On en a combien cette année, quoi? On a 7-8 spectacles, là, au moins. C'est sûr que Talking Head de Liquid Love, j'ai très hâte de voir comment les gens vont réagir à cette soumission-là, à cette proposition artistique-là. En fin de festival aussi, on a un essai pour une deuxième fois. On présente un spectacle jeune public qui s'adresse aux 7 ans et plus. Oui, c'est à c'est vrai. C'est une compagnie de Montréal qui s'appelle The Youth Theater. La performance s'appelle Dreaming Now. Alors, c'est l'histoire d'un garçon qui rêve, qui fait des rêves numériques. Alors, c'est un peu l'exploration de l'univers numérique à travers un dispositif avec du tulle, projection, interactivité pour montrer ça aux enfants. C'est un spectacle sans parole qui va être présenté le samedi après-midi, le 28 février. Pour les enfants de 7 ans et plus, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. J'ai 6 ans, on va les accepter aussi. Là, ah ouais, vous ne mesurez pas à l'entrée. Non, on ne mesure pas à l'entrée. C'est un spectacle vraiment qui est plein de magie puis qui montre vraiment un peu tous les processus numériques en s'adressant dans un langage pour les plus jeunes aussi. Mais moi, je pense que pour des plus vieux qui veulent découvrir aussi le monde numérique, qu'est-ce que ça peut être en situation de performance, Dreaming Now, c'est vraiment un très, très chouette projet. Là, bon, au pire, on se trouve un enfant pour y aller. Comme oui, ça, comme on prétexte. Sent, un neveu, un filleul ou le fils de la voisine, gênez-vous pas. Ben voilà, Viviane Paradis, merci beaucoup. Merci. Donc, le Mois Multi, on est à sa 16e édition, commence le 4 février. Donc, les spectacles en début de mois. Oui. Première semaine, des spectacles. Après, on commence les installations le 12 février et on revient la dernière semaine à partir du 24 février, si je ne m'abuse, une autre série de spectacles jusqu'au 28 février. Voilà, donc un mois de février fort mouvementé, comme à l'habitude. Voilà, ben merci beaucoup. Je répète, les informations sont disponibles sur le site moimulti.org et les billets sont en vente sur le site lepointdevente.com. Voilà, on s'en va en pause. Au retour, on discute avec Jean-Tiane Lafrance. CKRL. Québec. Demain, dès 17h30, écoutez l'émission en direct du Sacrilège, présentée au Sacrilège. C'est évident. Je m'appelle Cléo et je suis un chien Saint-Bernard femelle. La pièce de théâtre La Guerre des Tuques est de retour pour 10 représentations seulement, dans un texte décapant et une mise en scène originale de Fabien Cloutier. Du 29 janvier au 8 février au Musée national des beaux-arts du Québec. Une production originale du Théâtre Sous Zéro. Informations et réservations sur le site du musée. Amateurs de rockabilly et de psychobilly, nous avons le plaisir de vous annoncer le Rockabilly Showdown qui aura lieu à l'Agité le vendredi 30 janvier. Présenté par Québec City Rockabilly et par CKRL, cette soirée rassemblera le rockabilly sauvage et énergique de Danny Jukes and the Northern Stars, composé d'anciens membres des Alley Jukes, ainsi que le psychobilly infatigable des Lab Rats, projet de Johnny Toxic. En première partie, Alex Coupe de Ville, One Man Band Blues et Rockabilly. C'est un rendez-vous le vendredi 30 janvier à l'Agité, 251 rue Dorchester, dès 21h. Informez-vous sur la page Facebook de Québec City Rockabilly. On jase ton père pis moi, pis on croit que c'est le temps que j'aille te parler. Tes amis, c'est des gens à fréquenter. Quand ils ont des cheveux longs, ils ont des anneaux dans le nez. On croit juste qu'ils ont une bonne influence sur toi. Tu sors devant le monde avec des gilets troués. T'écoutes plus tes records de la famille Simard. Tu t'achètes plein de disques avec des noms de morts. Pis ta musique du diable, tu l'écoutes pas assez fort. L'autre jour, on t'a pogné à l'écouter. Le vendredi, 22h passées. Puis surtout, c'est que les voisins doivent aussi l'écouter. C'est vraiment décadent. Pour le meilleur du métal à Québec, vendredi soir, 22h, c'est démentiellement vôtre à CKRL 89.1. CKRL 89.1, Québec. Là, il est 18h, on est de retour à l'aérospatiale. Gilles Gagné, toujours avec vous, accompagné de Jacques Gignac, qui a la mise en onde, et je suis rejointe à l'instant, non, déjà il y a quelques minutes, mais quand même, par Jean-Tiane Lafrance. Bonjour! Bonsoir, Julie! Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien. Dis-moi, t'es allée faire un tour au Cercle. Oui, exact. Donc, une exposition de Renaud Philippe qui a commencé cette semaine. Donc, la semaine dernière. Le vernissage était mercredi. Donc, Renaud Philippe qui est un photographe avec une carrière bien entamée, donc qui a fait les photos pour Le Voir, pour Le Devoir aussi, bon, plein d'organismes également. Donc, pour le festival d'été, là, les spectacles, c'est plein de branches, c'est certain que vous avez regardé le soleil, vous avez vu ces photos. Exactement. Donc, un photo-reporter plus habitué de la photo de presse, mais ça fait déjà quelques expositions, je crois, qu'il présente, dans lesquelles il développe une pratique plus artistique par rapport à sa photographie, mais une pratique qui est encore et toujours empreinte de ce côté un peu reportage, ouais, si on veut. Donc une exposition qui se déploie dans plusieurs voies, je dirais. Donc on a des photographies, mais également une projection vidéo accompagné d'une trame sonore qui a été élaborée par Alexandre Berthier, donc une collaboration. Donc la projection est présentée dans l'aquarium. Ouais. Qui est la partie là, entre le bar et le restaurant. Et la projection se fait sur l'espèce de porte de garage. Donc, Je demandais, là, oui. Où est-ce qu'on projette? Oui, donc la projection peut être vue de l'extérieur tout au long de la soirée. Là, la projection commence à 5 heures. Et de l'intérieur, on peut faire l'expérience de la trame sonore. Donc, le concept, si on veut, de l'exposition, c'est 185 heures. C'est le titre. Ouais. L'artiste a passé 185 heures au total dans des trajets d'autobus. Donc, il a traversé, j'imagine, le Canada. Des séries de photographies, une projection qui sont vraiment là, des photographies prises généralement du siège de l'autobus directement, également des photographies dans des gares. Donc, on est vraiment là dans la peau d'un voyageur, si on veut. Un voyage qu'il a fait en solitaire. Donc, on voit aussi la solitude de ces moments d'attente aussi. C'est une espèce de lassitude aussi, probablement. Oui, oui, c'est la répétition hein, des paysages. Donc, c'est assez intéressant. Donc, pour vous faire une description un petit peu plus en détail, il va y avoir du côté restaurant, donc lorsqu'on entre à gauche, une grande mosaïque avec des teintes bleutées. Et lorsqu'on la regarde de loin, on peut voir que la mosaïque en entier représente une ville. Une ville dense, un centre-ville vu de haut. Donc, c'est des teintes bleutées, on dirait quasiment du noir et blanc bleu, avec un virage bleu. Mais chacune des images est également une vue de la fenêtre, une vue d'un paysage, souvent de forêt. Donc, on a ce jeu-là de chacune des photographies et de l'ensemble des photographies sur un jeu de superposition, comme deux couches. Donc, c'est comme tous des petits fragments qui vont composer cette image-là avec une très belle couleur. Et puis, près de la fenêtre, vous avez une photographie grand format d'une vue encore de la fenêtre d'une forêt enneigée. Il y a beaucoup, beaucoup de neige. Hein. C'est vraiment le froid, la neige dans ces photographies. On le sent beaucoup. D'ailleurs, la directrice artistique a établi le thème de la nordicité. Ben oui, c'est à ça je pensais. Exactement, en rapport avec cette œuvre-là. Donc, c'est une espèce de parcours aussi en même temps qui nous est offert là, au travers des photographies, des images qui sont présentées dans cette nordicité-là. Ces grands espaces aussi habités par l'hiver. Donc, cette très grande photographie près de la fenêtre, une forêt enneigée, une forêt qui n'a pas l'air très, très en santé. Il y a quelques arbres qui sont couchés, ils ont presque plus de branches, donc on pourrait deviner un marécage ou une forêt qui a survécu à un feu de forêt ou quelque chose comme ça. Et comme on peut voir dans plusieurs de ces images, on a le flou de l'autocar qui avance. Hein, donc on voit dans le bas c'est flou, mais certains espaces sont nets, un peu comme la photographie d'à peu près le même format, très grand format, qui est dans l'aquarium cette fois-ci. D'un brigadier qui est debout sur un terre-plein, sur le coin d'une rue, et puis avec une lumière magnifique. Donc, on sent comme la lumière jaune du soleil qui s'apprête à se coucher, qui vient frapper l'objectif. Il n'y a pas de flare, comme on dit en français. Ouais. Mais quand même, là, on sent cette ambiance-là de la pénombre qui va s'installer bientôt et cette belle lumière qui se déploie toujours à cette heure-là du jour. Donc, le personnage prend comme un peu la pose, si on veut, très, très frontal, très statique. Il y a son panneau qui est déposé sur le coin de la rue, mais on sent vraiment la solitude, la désolation un peu. On dirait qu'il attend que les groupes arrivent, l'école est pensée. Que la vie passe. Oui, que la vie passe. Donc, il y a de cette ambiance-là qu'on retrouve un peu partout dans ces photographies. Jeanne, je t'interromps, oui. J'ai une question pour toi. Oui. Bon, c'est des photos qui ont été prises dans l'autobus, donc ça veut dire que ça implique la vitre, ça implique le reflet et tout ça. Bon, Renaud-Philippe est un photographe professionnel. J'imagine que c'est une sorte de contrainte aussi qui s'est donnée là, de réussir à faire des photos qui sont esthétiquement, qui fonctionnent, qui sont belles, mais en ayant cette dimension-là. Oui, mais il y a beaucoup de jeux dans sa vidéo, dans les photographies aussi, certaines photographies, avec ce reflet-là qui apparaît. Le reflet, donc, il l'utilise. Le reflet, le mouvement, également ces espèces de silhouettes qui se dessinent dans le reflet de la vitre. Ben oui, lui-même aussi, à la limite, par moment, ça doit être près de l'autoportrait. Oui, exactement, de lui-même, mais des passagers aussi. Ouais. Et on retrouve un peu cette idée de reflet, si on veut, dans la projection vidéo qui doit être une boucle d'une quinzaine de minutes, je dirais, qui est un montage très, très dense, avec beaucoup de superpositions. Donc, il y a cette idée-là de reflet, de ces superpositions, de l'image de l'intérieur de l'autobus qui se superpose au paysage qui défile à l'extérieur. Donc, on peut avoir jusqu'à peut-être 3-4 images vidéo qui sont superposées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un jeu avec les directions. Donc, on va avoir deux images parfois qui vont se diriger dans des directions opposées. Donc, on est un peu déstabilisé. On cherche nos points de repère et c'est très, très contemplatif aussi de simplement regarder le paysage qui passe. Mais avec cette densité-là, ça va très, très bien aussi avec la trame sonore qui est proposée par Alexandre Berthier, qui est très, très dense aussi, beaucoup, beaucoup de sons, probablement des prises de sons qui ont été faites durant les trajets d'autobus. On devine parfois des conversations qui se mélangent au bruit du moteur qui accélère. Vous savez, dans les autocars, le bruit du moteur qui est comme à la fois une espèce de sifflement un peu aigu puis de grondement. Grondement, ouais, oui. C'est quasiment angoissant. Et le soir du vernissage, Alexandre arrêtait pas de monter le son parce que, bon, on s'entend, la foule s'accumule, on parle de plus en plus fort. Et puis, ça vibrait, là. Il y avait vraiment des basses très présentes et puis ça en était quasiment oppressant, angoissant. Très, très intéressante, la vidéo, qui peut également être vue de l'extérieur. Donc, on peut l'avoir des deux côtés. Finalement, il y a une bande de photographies, donc de 14 photographies qui est présentée également dans l'aquarium, plus petite. Donc, des moments d'attente dans les gares, les personnages qu'on peut retrouver dans les gares, des moments de solitude, des paysages. Donc, on retrouve un peu l'ambiance de tous ces moments qui peuvent ponctuer un voyage solitaire en autobus. Donc, on a des choses un peu amusantes aussi. Une biche qui a l'air perdue dans un stationnement de maison de banlieue. Des moments plus tristes où on a un personnage solitaire avec le tronc penché sur les genoux. Donc, on a un peu de tout. Et des lumières aussi, des lumières de soir avec des éclairages au sodium ou le blizzard dans la nuit. Donc, on a de très, très belles ambiances qui ont été capturées par Renaud Philippe tout au long de son voyage. Et on a des photographies et la projection vidéo et cette mosaïque-là. Donc, on a différentes voix qui s'installent, différentes voies d'expérimentation pour Renaud Philippe. C'est assez intéressant. On a hâte de voir ses prochains projets. Ben oui, hein, parce que il me semble que c'est la première fois qu'on le voit pousser aussi loin, là, la dimension installative comme ça. Exactement. Là. Donc, avec des collaborations comme ça, puis vraiment une expérimentation visuelle qui s'installe tout en conservant aussi son style à lui, empreint d'une spontanéité, hein, spontanéité du photojournaliste, du photoreporter, mais avec aussi des moments d'arrêt, des moments de contemplation, très très intéressant comme exposition. Donc c'est présenté jusqu'au 23 février, donc on a le temps, mais comme d'habitude on n'y est pas trop parce qu'on se retrouve à la dernière minute, puis on dit non, j'ai oublié. Oui, ça finit toujours souvent comme ça. Voilà, ben Renaud Philippe, 185 heures, c'est présenté au Cercle, qu'on disait, jusqu'au 23 février. Jean-Tierre Lafrance, merci beaucoup. Merci à toi. On s'en va en pause audio. On écoute un extrait de la pièce 300... Je recommence? 300 White Trucks sur les ondes de CKRL. Il est 18h15, waouh, précisément au moment où je le disais. Assez impressionnant. J'accueille François Raymond qui présente Beach au lieu. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est possible de nous présenter l'exposition de manière générale? De manière générale, en fait, l'exposition Beach, c'est vraiment un corpus d'œuvres qui est tourné, en fait, grosso modo, sur deux sujets, qui est la plage, Beach, ou le Beach, qui est pris un peu à l'inverse, si on veut être tout le monde, mais les pièces proposent plus un regard sur l'individu, si on veut. Ça fait que le titre est un peu... Beach, OK, voilà la ligne, donc, entre exactement. Le B puis le H. Je savais qu'il y avait quelque chose... OK, merci. Merci parce que je demandais, parce que là, dans la vitrine, je n'ai pas remarqué si c'était dans le communiqué du lieu. Je pense bien que oui. Oui, hein? Exact. Ça fait que c'est voilà. Un peu deux axes, en fait, que j'ai lancé ma production, si on veut, surtout sculpturale, je vais dire. Fait que c'est vraiment par rapport, oui, un peu à la plage, mais aussi comment qu'on se représente comme communauté, mais en tant qu'individu, si on veut. OK, donc d'où la question justement du BH. Ah ouais, excuse-moi, là, je viens comme d'avoir une petite révélation, puis il y a toute une dimension de l'exposition qui vient de s'ouvrir à moi. Voilà. Dans l'exposition, François Raymond, je trouvais qu'il y avait une dimension ludique. Dans le communiqué, il est écrit « L'art est un jeu, le jeu d'une vie peut-être, l'artiste et la vie doivent être liés. » Peux-tu commenter un peu, élaborer là-dessus? Oui, je peux commenter. En fait, mon travail est surtout axé sur la notion de jeu. Beaucoup, je travaille avec ça. Autant jouer des objets, des symboles, des codes que je détourne, autant proposer, en fait, aussi aux regardeurs de jouer, si on veut, parce que certaines de mes pièces sont construites pour être pseudo-utilitaires, si je peux dire. Ouais. Fait que propose, en fait, aux spectateurs de pouvoir l'utiliser comme un objet utilitaire. Ça fait qu'il y a encore là un jeu de toute l'aspect, si on veut, sacral, souvent de l'art, versus les produits utilitaires qu'on utilise. Comme dans l'exposition présentement, il y a une peinture que les gens sont invités à ajouter des points rouges pour marquer des emplacements, ou il y a un bench press fait de fromage qu'on ne sait pas vraiment si on peut faire du bench. Excusez pour l'anglicisme, je ne connais pas le mot français. Un banc de musculation. Exactement. Là, donc pour se sinon... boffer. Ou sinon, peut-être pour manger le fromage, en fait. Il y a tout le temps un peu le jeu à travers mes pièces à ce niveau-là. C'est ça. Je disais, je pense que c'est dans le communiqué où j'ai fait ma recherche sur toi. Il semblait que tu as une réflexion sur l'idée, depuis le ready-made, on utilise l'objet utilitaire qui devient une œuvre d'art. Maintenant, l'œuvre d'art peut-elle devenir objet utilitaire? Et la réflexion, elle est quand même assez présente dans l'exposition. As-tu ta piste de réponse? Bon, j'ai l'impression que tu soulèves des questions, mais tu souhaites pas donner la réponse à tes questions. Ça, c'est vrai. J'aime plus poser les questions, en fait, que d'essayer d'y répondre, parce que comment je construis mes œuvres, en fait, j'essaie de toujours de montrer, si on veut, les deux versants d'une médaille. Tu sais, c'est souvent, je vais être qualifié de critique parce que je parle de choses concrètes qui touchent notre quotidien, mais quand même, comme je vois mon travail, c'est vraiment plus de regarder tout le temps, jouer un peu à la balance, si on veut, mettre en regard les choses qui sont peut-être contradictoires de nos sociétés ou de nos actions, en fait. C'est ça, j'ai senti en regardant l'exposition que tu soulevais des non-sens. Ouais, d'une certaine manière, là, j'ai pas remarqué, là, j'ai oublié, il y a pas les titres, hein, je pense, des œuvres. Non, il y a pas les titres. Okay, mais dans une œuvre, donc, c'est un carré de pelouse synthétique sur une plateforme de bois qui est arrosée avec, j'ai envie de dire un giclard, c'est pas un giclard, là, mais cette espèce de chose, là, qui balance d'un côté et de l'autre pour arroser. Ça, c'est comme, ça m'a vraiment semblé un non-sens complet et total. Oui, exactement. Pour beaucoup, en fait, cette pièce-là rappelle les banlieues, le terrain, le gazon plus vert chez le voisin. Mais c'est ça, surtout aussi la dépense d'eau, la dépense énergétique, en fait, pour... dans la ce cas-ci, de la pelouse qui est fausse. Ouais. Puis juste, en fait, l'objet même d'une fausse pelouse, moi, personnellement, je comprends pas le produit. T'sais, je le trouve magnifique par son non-sens. Par en son fait, ridicule, c'est un peu un amour-haine que je cultive avec certains matériaux comme ça qui reviennent tout dépendant des projets que j'ai à faire. Mais on sent qu'il y a un amour du kitsch aussi, je trouve, tu sais, avec l'idée de la plage là, sur le mur aussi, il y a une photo là, d'une espèce de décor paradisiaque de probablement tout inclus ou tout ça, de vraiment des tropiques ou puis là on a trois petits sapins oranges qui sentent le coconut, qui sont suspendus, des air fresheners. Là, on entre dans la salle d'exposition, puis là, ça sent un petit peu le chlore avec l'eau, ça sent le coconut. Là, on dirait qu'il y a vraiment cette dimension-là aussi qui... Ouais, mais exactement, cette pièce-là, je l'ai faite vraiment en lien avec qu'est-ce que... Ben, j'allais chercher d'autres matériaux, en fait, puis j'ai vu le surplus, si on veut, de produits qui rappellent la plage. Mm-hmm. Donc, j'ai décidé de toutes les mixer ensemble, vraiment faire un détournement. Puis aussi dans mes pièces, en fait, qu'est-ce que je travaille beaucoup, c'est la mise en relation, parce que ça arrive que je travaille par projet, mais plus souvent, je vais travailler par corpus d'œuvres, fait que ouais. Je vais élaborer plein d'objets, d'œuvres. Puis ça me permet, en fait, de les mettre en relation pour qu'eux aient un dialogue, en fait, ensemble dans un corpus. Fait que la plaque automobile, le car freshener, ben nous ramène un peu aussi à une autre pièce qui est présentée, qui est un nuage ouais. Monster truck. Fait que c'est vraiment essayer de mettre des clés de lecture, si on veut, pour que le corpus prenne forme, puis qu'il y ait un dialogue intrinsèque entre les œuvres qu'on peut découvrir au fur et à mesure du parcours, en fait. J'ai envie de parler d'une autre œuvre. Tu l'as mentionné tantôt, c'est cette grande peinture, justement, cette grande map monde sur laquelle on est invité à mettre un petit collant rouge qui est présenté vraiment sur un gros rouleau là, de papier qui descend. D'ailleurs, visuellement, je trouve ça très beau, sur un endroit qu'on aimerait bombarder pour en faire une plage. Et l'idée est vraiment ludique, mais en même temps, moi, j'ai pas été capable de prendre un collant et de le mettre. Je trouve que tu fais un peu appel à quelque chose de noir en nous, il me semble. Ouais, ben exactement. C'est comme je disais tantôt, c'est les deux côtés de la médaille, si on veut. Ce projet-là, c'est un projet que ça fait environ un an et demi que j'y pense, puis que je cherche des façons de faire. Au début, c'était voué à un projet web, mais mon frère qui travaille là-dedans, ben il m'a dit que j'avais aucune chance que ça marche, en fait, ah ouais? Que j'allais me faire censurer. Okay, puis c'est après ça, ça j'ai décidé de le mettre en peinture, vraiment jouer la peinture, l'action de la peinture pour, en fait, deux raisons. La première, c'est encore l'aspect sacral de ouais. Notre société dit « on ne touche pas aux œuvres ». Mais quand même, tu sais, versus peinture ou sculpture, c'est plus facile, je crois, de toucher aux sculptures qu'à la peinture quand on est dans un musée. Ben, c'est parce que ça fait appel au sens, hein? Exactement. Fait que là, juste cet aspect-là, je trouvais ça quand même très drôle de donner le choix, en fait, parce que je propose, puis c'est pas moi qui fais les actions. Mais en plus, on peut même épingler pour plus de précision. Donc là, on fait vraiment un trou, là. Ouais, c'est un test de géographie, en fait. Mais sans blague, ben, je trouvais quand même le projet intéressant par rapport à, si on veut, un peu une étude sociologique, à mm-hmm. savoir est-ce que les gens, tu sais, sont prêts à bombarder, parce que quand même, pour faire une plage, et entre parenthèses, peut-être ça aurait été plus fort entre guillemets, mais il est sous-entendu, fait que la première action n'est pas de faire une plage, mais de lancer une bombe. Ouais, c'est ça. Ça fait que c'est tout le temps un peu joué entre l'action qui paraît ludique et un peu le sérieux de la chose, si on veut, tu sais, de vraiment la contradiction des deux actions, si on veut. Parce que moi, ça me faisait penser à tout, c'est tout inclus, là, un peu partout, où les gens vont, se prélassent, mais ça se fait un peu au détriment des populations locales, puis de l'économie locale aussi, qui devient comme dépendante de ça, puis des conditions de vie, en tout cas. Bref, je dis ouvertement, j'ai pas été capable de me mettre de pico, j'ai fait, où ça, j'en mettrais un? Je veux pas bombarder d'endroit. Change de sujet un peu, je veux parler des deux œuvres en vitrine. Y en a une qui m'évoque un peu en tuyau, comme le squelette d'un animal ou quelque chose ouais, comme d'une ça. Baleine. D'une baleine, bon voilà. Une autre avec des cubes, voyons, j'ai oublié, dans un contenant, j'en ai un peu oublié la forme. Ben pour moi, le contenant est une poubelle. Oui, c'est ça, une poubelle. Ça peut être autre chose aussi. Dans ces œuvres-là, Dans les deux cas, il y en a une, je pense que c'est le squelette, il y a un petit cube en miroir avec une petite partie cassée comme un pare-brise de voiture. Dans l'autre, une coupe à cocktail avec des petits cœurs. J'ai vraiment senti que tu attachais une grande importance aux détails. Est-ce que c'est le cas? Oui, ça c'est sûr que c'est le cas, mais quand même, au détail de la mise en espace, ouais, et de la relation aux œuvres, en fait, pour ce cas-ci, en fait, parce que le petit cube miroir qui est éclaté, c'est un vinyle d'autocollant pour automobile. Ah ouais, comme bon, vous avez sûrement vu des autos avec des faux trous de balles dedans. Ouais, okay, ben, okay. C'est vraiment encore une fois de mettre des pistes de lecture, si on veut. Puis on peut aussi voir un rappel d'une pièce, il me semble, de Smithson. Je me rappelle plus exactement. Mais une pièce minimaliste, en fait, d'artistes minimalistes qui ont travaillé des cubes, mm-hmm, beaucoup. Le miroir, je trouvais quand même le dialogue entre les deux fenêtres, comme si un cube avait réussi à s'échapper, si on veut, de la poubelle, comme je l'appelle, qui est, elle, en fait, une pièce qui est reprise d'un logo que vous pouvez voir un peu partout, des logos pour identifier où est-ce qu'elle est la poubelle. Ouais, mais ouais, c'est un bonhomme qui jette un carré, mais juste transposer ça physiquement, puis surtout au domaine des arts, mais le sens, il change totalement, puis ça peut intervertir, en fait. Et là, on en parle de logo. Là, j'ai plus le temps, malheureusement, mais c'est toute une avenue aussi qu'on aurait pu explorer, les logos, la signalisation et tout ça. Mais malheureusement, l'émission tire déjà sa fin. François Raymond, merci beaucoup. Juste une petite chose, oui, avant de terminer, pour dire aux spectateurs aussi que j'ai une autre exposition en simultané. En fait, à Galerie Armure à Montréal jusqu'au 28 février. Voilà. Sinon, vous pouvez visiter l'exposition jusqu'au 8 février au lieu. Ben voilà, merci beaucoup. Donc, François Raymond présente Beach au lieu. Voilà. Merci. En terminant, je vous invite, ben là, il faut y aller dès maintenant à 19h30. Ah non, dès maintenant, vous avez le temps quand même de vous rendre. À 19h30 ce soir à l'école Saint-Jean-Baptiste, en marge de l'exposition Vente de feu Morisset, il y a Pierre Bernier en association avec le Club des collectionneurs en arts visuels de Québec qui propose une conférence événement qui est intitulée Déroulement Morisset. Vous savez, Morisset, c'est Denis Morisset, cet artiste de Québec qui est décédé, je crois, il y a 25 ans. Il avait fait de Pierre Bernier son légataire et là, ben, il fait une exposition pour finir de vendre les œuvres. Et les œuvres qui ne seront pas vendues seront brûlées selon le souhait de Denis Morisset. Donc, ça vaut la peine, la conférence ce soir à 19h30 à l'école Saint-Jean-Baptiste. Sur ce, je remercie mes invités et collaborateurs Jacques Gignac à la mise en onde. Je vous souhaite une belle soirée avec Gilles Chaumel et son Folk d'Amérique.